Daidam do garu da do gongo. On n'est plus là, on est là. On est là encore. Parce que je n'ai plus la batterie. Je... Ah non, ils sont tous partis. Les copains, ils sont tous partis. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ça les a saoulés ? Ça les a pas saoulés ? Non, non, c'est les basses. Ils disent des choses gentilles avant de partir. Non, t'inquiète, on va mettre de la batterie. Tu veux de la batterie ? Tu veux les tchac, tchac, tchac, tchac, tchac. On va les mettre. Tout à l'heure, la base que j'ai faite, c'était très bien, non ? C'est trop stylé ! J'ai envie de mettre le feu à mon appartement. Moi, en fait, j'ai envie de faire ça. Hein. Moi, en fait, je crois que... Non, mais c'était que une impro, tu vois, j'arrête pas de casser les couilles à Solène avec ça, il faut pas venir, Il m'a dit, non, moi, je suis pas un musicien, je suis un compositeur. Et non, mais je comprends, non, en vrai, je comprends. Moi, c'est ça qui me fait trop kiffer, en fait, tu vois, c'est ça. Moi je connais rien, viens faire de la musique juive. Attends, c'est sûr, on va faire un truc de c'est dans mon nom. quoi la chanson Chaplin? Ouais. Non, pardon, j'arrive. Thank you. Thank you. Il n'y a pas de truc bleu.